Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, une autre belle émission qui s'en vient, un autre spécial 2 heures juste pour vous, fans de Puissance Maximale, et bien sûr à tous les auditeurs de CKIA FM, on vous souhaite la bienvenue. Et j'espère que vous avez bien joué cette semaine, une belle journée en ce jeudi 24 mai 2012. Et je salue mon collaborateur, mon acolyte de toujours, Monsieur Andrew Castegan. Bonjour Monsieur Mike. Ça va bien? Toujours, toujours. Et aujourd'hui, une grosse émission, comme d'habitude. On va avoir le retour d'une collaboratrice. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé, Madame Chantal Campagna. Hourra! Alias Fräulein Evil, de la compagnie Distribution Dude, avec qui on va parler jeux de plateau, jeux de société, de jeux. Bref, comme pour ceux qui connaissent l'émission depuis longtemps, vous savez que Chantal est une précieuse collaboratrice. Elle est de retour aujourd'hui, tout de suite après la première chanson. On va avoir M. Diego Lamana aussi, qu'on a entendu plus tôt dans cette saison-ci, qui va venir nous parler de jeux professionnels. Donc, bref, de joueurs professionnels, comment ça s'organise, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. Et pour nous, des nouvelles ludiques. Et M. Andrew Castegan, on va faire une chronique pré-E3. Oui, voir qu'est-ce qui a été confirmé, qui allait être présenté au E3, qui s'en vient à grands pas début juin. Début juin, dans 2 semaines, on a hâte de voir ça. Et on vous rappelle, avant de commencer l'émission pour de bon, que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet. Vous pouvez aller nous retrouver au www.puissancemaximale.com. Vous allez pouvoir retrouver nos anciennes émissions, des podcasts qu'on a fait, des nouvelles aussi qu'on peut mettre des fois à l'occasion sur le site. Alors, gênez-vous pas pour y aller sur notre page Facebook également, donc sur Facebook, vous tapez Puissance Maximale, vous allez nous retrouver. Allez nous aimer sur Facebook, participez, envoyez-nous des suggestions. On est toujours ouvert. Vous avez des activités dans la région de Québec ou dans n'importe où au Québec, finalement, que vous voulez venir nous parler des activités geeks, des activités bien entendu ludiques. Ben, venez nous voir sur Facebook. On va regarder ça ensemble et vous pourrez peut-être même parler à la radio. Qui sait. Et aussi le site internet de CKIA FM, donc le CKIAFM.org, où vous pouvez aller acheter vos cartes de membre. Ça vaut la peine. Allez-y tout de suite. Maintenant, 20$ bien investis pour qu'on continue à avoir un micro libre à Québec et bien évidemment une émission comme Puissance Maximale. On va commencer en musique cette merveilleuse émission avec la chanson Crimson King avec le collectif Demons and Wizards qui est composé du guitariste du groupe Iced Earth. J'ai beaucoup de misère à dire ce nom-là en anglais. Et le chanteur, M. N.C. Kirst de Blind Guardian. Alors, on y va en musique. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Demons and Wizards. Et on va réaccueillir une collaboratrice qui est là depuis longtemps. On est bien heureux de la revoir ici à Puissance Maximale, Madame Chantal Campagna, alias Fräulein Evil de Distribution Dude. Ça va Chantal? On dirait bien que non. Elle devrait être là, là. Non. Chantal, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Bonjour Chantal, ça va bien? Ça va bien, merci, vous-même. Oui, bien heureux de te réaccueillir chez nous à Puissance Maximale pour ta précieuse collaboration pour les jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de société, bref. Tout ce qui nous manquait, là, ce qui nous manque cruellement depuis un petit bout. Et aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Et mon Dieu, aujourd'hui, on va rattraper le retard qu'on a pris dans la dernière année, finalement, pendant notre hiatus forcé. Alors, la première chose dont on va parler, c'est les la fin de semaine ludique qui va se passer à Québec, la fin de semaine du 9 et 10 juin. Oh, c'est tout près, ça. Et ça va se passer où, ça, Chantal? Ça va se passer au centre communautaire Michel Labadie sur la rue Chauveau. Si vous allez sur leur site internet journeeludique.qc.ca, vous allez trouver l'itinéraire pour vous rendre. Alors, c'est une très belle occasion d'aller découvrir les jeux de société à cette journée ludique. En fait, à ces deux journées ludiques de Québec, qui en est à sa 7e édition déjà. Et puis, dans le cadre de ces journées ludiques, il y aura évidemment le concours très, très prestigieux des Plateaux d'or, qui est finalement un concours de jeux de société. Les gens présentent leurs prototypes, un jury est sur place, essaye les présélections, il y aura un gagnant. Et d'ailleurs, il y a des gagnants des années passées qui ont été édités par certaines compagnies, dont Québec 508, qui a été édité par les Scorpions Masqués. Et le gagnant d'il y a 2 ans, Richelieu, qui vient d'être édité. Donc, ça commence vraiment à être un concours qui met un peu les créateurs québécois sur la map ludique mondiale. Excellent. Mais c'est ça, c'est un rendez-vous pour les joueurs, mais aussi pour les concepteurs. Donc, un rendez-vous pour tous les gens de Québec le 9 et 10 juin prochain. C'est à mettre à vos agendas, chers amis. Et tu voulais aussi nous parler d'un autre jeu, Toc Toc Woodman et ses extensions. Toc Toc Woodman, le jeu de l'année en Corée, c'est vraiment un Jenga à l'envers. Donc finalement, c'est un tronc d'arbre en plastique avec de l'écorce et à son tour, on doit donner 2 coups de hache qui est fourni dans la boîte, évidemment, pour essayer de faire tomber des morceaux d'écorce sans faire tomber des morceaux de tronc. Chaque morceau d'écorce nous rapporte un point à la fin de la partie. Si par malheur on fait tomber un morceau de tronc, ce sera un malus de 5 points. Évidemment, Toc Toc Woodman, c'est un jeu qui s'adresse à 5 ans et plus. C'est de 2 à 7 joueurs. C'est un jeu de fin de soirée ou de début de journée quand on n'est vraiment pas encore réveillé. Il faut avoir quand même une bonne dextérité, malgré que c'est fait pour les tout-petits aussi. Mais il faut s'armer de patience et de dextérité. Mais il y a aussi des extensions à ce jeu-là. Oui, il y a des extensions. Alors, il y a l'extension Golden Axe, la hache dorée, qui nous permet de doubler les points qu'on va générer à notre coup. Mais par contre, on peut seulement donner un coup de hache à notre coup. Donc, si on fait tomber de l'écorce, notre écorce vaudra le double. Mais si on fait tomber un morceau de tronc, il va aussi valoir un malus qui est le double. Il y a aussi l'extension Golden Bark, donc écorce dorée, qu'on va rajouter à notre arbre en plastique. Et pour chaque morceau de tronc doré qu'on fait tomber, ça sera un malus de 10 points. Et chaque morceau d'écorce dorée nous vaudra 3 points au lieu de seulement 1. Donc, vraiment pas compliqué. C'est du plaisir pour toute la famille. Et il sera en primeur, évidemment, aux Journées ludiques de Québec. On ne voudrait pas vous en parler sans vous donner l'occasion de l'essayer. Donc, venez voir ça à Québec, ce petit jeu-là. J'avoue que c'est intéressant, ce genre de jeu-là, en soirée, là, avec des amis, pas obligé d'être concentré à 100% dans le jeu. On peut parler autour du jeu, quand c'est notre tour, on fait notre coup. Puis voilà, j'aime ça, ce genre de jeu-là. Bonne suggestion, Chantal, merci beaucoup. Autre jeu, tu voulais nous parler, Le Signe des Anciens. Le Signe des Anciens, c'est un jeu qui est un petit peu plus prenant. C'est un superbe jeu coopératif qui s'adresse de un joueur jusqu'à 8 joueurs. La beauté de ce jeu-là, c'est que tout le monde joue pour le même but. Finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de battre le grand ancien. Donc, on essaye de passer à travers les aventures, de fermer les portails surnaturels et de résoudre les mystères avant que le grand ancien se réveille et qu'il ne nous anéantisse. Donc, pour ce faire, tous les gens vont travailler ensemble pour être capables de résoudre les aventures une par une et passer à travers, finalement, le paquet. C'est un jeu qui se joue très rapidement. Évidemment, cela va toujours dépendre de la vitesse à laquelle vous allez vous faire anéantir par le grand ancien. Mais on parle d'un jeu qui peut facilement se jouer en 30 minutes ou même 60 minutes si ça dure plus longtemps, mais avec un 8 joueurs. Donc, c'est quand même une rareté sur le marché, ce qui en fait vraiment de toute beauté. Et c'est dans l'univers de Cthulhu. Donc, c'est vraiment le monde de Lovecraft. Et au niveau atmosphérique, c'est très, très bien rendu. Il y a du suspense, on est stressé et en même temps, beaucoup de plaisir. Excellent. C'est ce que j'allais te demander, justement. On parlait de grand ancien, là. Si on allait voir, justement, Cthulhu et ses acolytes dans ce petit jeu-là. Intéressant. Merci beaucoup. Le Signe des Anciens, c'est bon. Je mets ça sur ma liste. J'aime bien l'univers Cthulhu. Pour ça, un autre jeu dans ce genre-là, le Cult Across America, là, j'avais parlé il y a 2 ans, là. C'est un autre bel achat pour les passionnés de ce genre de jeu, surtout dans l'univers de Lovecraft. Autre jeu, on va parler d'un jeu que j'aime beaucoup, Munchkin Quest. Eh bien, tu nous parles de son retour. Ben, c'est de son retour parce que ça faisait au moins 1 an qu'il n'était pas disponible sur les étals aux grandes dames des fans qui aiment bien finalement le jouer. On rappelle que Munchkin Quest, c'est une parodie de jeu de rôle. Donc, nos personnages vont explorer des donjons et les fouiller, voler les trésors, essayer de s'armer, vont trouver des morceaux d'armure et tout ça pour être capable de battre les monstres. Et en battant les monstres, c'est comme ça qu'ils vont monter de niveau pour être capable d'être le premier à arriver à 10. Évidemment, les autres joueurs ne vont quand même pas vous aider ou vous laisser faire parce qu'eux aussi ont le même but. Donc, Munchkin Quest, c'est le jeu de Munchkin, mais un petit peu plus compliqué sur plateau. Et là, on a droit à son grand retour et il a été accompagné d'une extension qui s'appelle Chercher des Noises, qui rajoute des monstres, qui rajoute des salles de donjons rajoute des trésors, rajoute des cartes. Donc, finalement, rajoute encore une fois un petit peu plus de plaisir. Mais est-ce que c'est une réédition complète? Est-ce qu'on a changé un peu le plateau, les figurines, ce qui vient avec le jeu? Parce que moi, j'ai joué souvent à Munchkin Quest. Puis j'adore le jeu, j'adore comment il est fait. Je trouve que le plateau est bien pensé. Mais est-ce qu'ils ont fait des modifications ou c'est vraiment juste une réédition du jeu? C'est tout simplement une réédition. Le jeu était quand même au point. Ils ont révisé un tantinet les règles pour, finalement, ils ont intégré les errata dans les règles pour les rendre un petit peu plus claires, mais le jeu et toute la mécanique est restée intacte. Excellent. Autre jeu dont tu vas nous parler, dans la frénésie Star Wars avec le Star Wars Old Republic, le MMORPG qui est sorti sur nos ordinateurs, eh bien là, tu vas nous parler d'un jeu de combat de figurines. C'est un jeu de combat de figurines. Qui dit Star Wars dit combat de TIE Fighter avec des X-Wing, avec Luke Skywalker qui se sert de la force pour faire exploser la Death Star. Et là, finalement, ce sera nous, les pilotes. Donc, on pourra se choisir. On a dans la boîte un choix de 13 pilotes et on pourra jouer les méchants de l'Empire, tout comme on pourra jouer les bons de l'Alliance. Donc, on pourra choisir d'être Luke Skywalker et d'utiliser son super pouvoir qui se trouve à être, qui peut survivre à tous les combats, ou on pourra être les méchants. Donc, on peut jouer les pilotes de TIE Fighter. Ce qui est vraiment fantastique dans ce jeu, c'est que les proportions ont été respectées comme dans le film et comme dans les livres et tout l'univers. Donc, quand on joue les méchants de l'Empire, on a beaucoup plus de vaisseaux. Donc, les proportions ont été respectées. Donc, c'est beaucoup plus difficile de jouer les rebelles. Et en plus, quand on joue les TIE Fighters, on peut faire les bruits. Donc, ça rajoute vraiment beaucoup, j'ai trouvé, eux, parce qu'ils sont plus le fun. C'est plus le fun. Avec le bruit caractéristique des blasters des TIE Fighters qui n'étaient pas pareils à ceux des X-Wing pour les connaisseurs de Star Wars. Est-ce que ce jeu-là est déjà sur le marché, Chantal, ou ça s'en vient prochainement? Mais il est annoncé en grande pompe pour cet été. Donc, la version anglaise devrait arriver sur les étals au mois de juin et la version française est attendue pour le mois de juillet, au mois d'août au plus tard. Ah, mais c'est pas si mal quand même. On n'aura pas besoin de patienter très longtemps pour la version française de ce jeu-là. Donc, c'est dit pour les amateurs de Star Wars. Il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de vos salles d'ordinateur pour socialiser avec vos amis tout en restant dans votre univers favori. On y va avec un autre gros engouement à cause d'une série télé. On parle du Trône d'affaires, donc de Game of Thrones. Avec, tu vas nous parler, on avait parlé un peu du jeu de plateau récemment, mais tu vas aussi, en plus de nous parler du jeu de plateau, tu vas nous parler aussi du jeu de cartes. Le jeu de cartes, oui, le Trône de fer, le jeu de cartes évolutif, c'est un jeu, en fait, le jeu de cartes évolutif suit le même principe que les jeux de cartes à collectionner, sauf que l'aspect de la valeur au niveau de des cartes rares est éliminé. Donc, quand on achète une extension, on sait exactement quelle carte on va retrouver dans cette extension-là, donc ça évite finalement que le plus riche ait le meilleur deck. Mais au niveau de la mécanique, on retrouve la même chose, donc on va avoir un deck, on va jouer nos héros, on va les taper, j'utilise le terme en anglophone. Le terme technique, on va les taper, on va déclarer nos combats. Ce qui fait la richesse du jeu du Trône de fer, c'est que tout le côté intrigue politique a été transposé de façon très efficace dans le jeu. Donc, tous les personnages ont des liens. Par exemple, le personnage de Jon Snow va donner des plus quand il y a des loups qui sont joués en même temps que lui, qui sont dans le mode attaque militaire. Il va avoir tout le côté... finalement, en fait, on peut faire 3 attaques dans un tour. On va faire une attaque militaire, on peut faire des attaques sournoises, donc d'espions, et on peut faire aussi des attaques politiques. Et l'argent devient important. Tous les personnages vont tenir le rôle de quelqu'un sur le grand conseil du roi. C'est vraiment de toute beauté. C'est un jeu qui ne s'adresse pas aux néophytes, mais lorsqu'on est fan de ce monde-là, ce jeu de cartes-là, c'est absolument incontournable. Le bonheur qu'on retrouve à jouer les Lannister, ceux qui sont les méchants, c'est vraiment de toute beauté. Donc un jeu qui va au-delà justement du jeu de un peu à la Magic the Gathering, où on va avoir le petit côté politique, ben le gros côté politique de cette série là, ben on le retrouve dans ce jeu là. Excellent. Est-ce que tu avais, je sais que tu voulais me parler un peu du jeu de plateau, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce niveau là? Ben en fait, c'est que le jeu de plateau, on s'est fait offrir la deuxième édition du jeu de plateau. La première édition était sortie à l'an 2000 et quand même datait un petit peu. Au niveau de l'édition du jeu de plateau qui est révisé, en fait, ils ont révisé les règles un peu pour intégrer encore une fois les errata, mais ils ont aussi intégré les meilleurs éléments des deux extensions qui étaient disponibles sur le marché. Donc, maintenant, on n'est plus obligé d'acheter des extensions qui rajoutent finalement une grosse partie monétaire à notre achat, si on veut. En plus, ils ont vraiment revu au niveau visuel, ils ont refait le jeu, le matériel est de toute beauté et les figurines sont en marbre. En fait, ils sont en plastique, mais marbrés. C'est vraiment de toute beauté. Ça vaut vraiment la peine de le souligner. Oui, c'est un beau jeu. J'ai eu la chance d'y jouer, moi, et je peux vous dire qu'encore une fois, c'est une belle transposition de l'univers de Game of Thrones sur table, finalement. Ça vaut la peine pour les amateurs, mais aussi pour ceux qui aiment le genre de jeu stratégie. Ça vaut aussi la peine d'aller se chercher ce jeu-là. Autre jeu dont tu voulais nous parler, Pouette Mouette, le jeu de mouette niaiseux. mais de quoi s'agit-il? Mouette, c'est là, on tombe un petit peu loin de Trône de Fer. Alors là, vraiment, on se rapproche plus de Toc Toc Woodman. Donc finalement, le Mouette Pouette, c'est un jeu de course où les pilotes sont aveugles et les copilotes sont muets. Ce qui arrive, c'est qu'on va devoir essayer d'expliquer à notre pilote où aller sans lui parler, donc en lui indiquant, en lui tapant, en lui donnant des petits coups sur la tête pour l'indiquer où se rendre. C'est un jeu de course où toutes les équipes vont jouer de façon simultanée. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de passer à travers nos 24 cartes de course sans rentrer en collision avec une mouette. Donc, c'est un jeu... Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est complètement visuel, c'est complètement tordant et c'est complètement niaiseux. Un autre beau jeu, justement, de party, après avoir soupé là, une coupe de verre dans le nez, là, j'avoue, ça doit être assez intéressant. En fait, c'est un jeu qui peut se jouer avec les enfants avant le souper et qui, une fois que les enfants sont couchés, on peut le rejouer encore une fois entre adultes avec une petite bouteille de bière, là, puis ça va bien aider. Mais vraiment, c'est un 6 ans et plus. Les enfants aiment bien, les adultes encore plus. Excellent. En tout cas, moi, j'ai hâte d'essayer ça. Autre chose dont tu voulais nous parler, l'extension du jeu Civilisation, du jeu de plateau Civilisation. Ben, le jeu de plateau de Civilisation en français, évidemment, était sorti l'année passée et a connu un succès absolument hallucinant. Dans Gloire et Fortune, on va aller chercher des nouveaux personnages. Donc, c'est les cartes de personnalité vont représenter des personnages qui sont historiques, comme Marco Polo, Hannibal et tout ça, et vont aider de façon conséquente les civilisations. Il va y avoir des cartes investissement qui vont permettre aux joueurs de dépenser les pièces qui sont gagnées pendant le jeu. Et les joueurs vont pouvoir découvrir des anciennes reliques. Ils vont pouvoir transformer leur capitale en métropole, renforcer leur cité. Donc, cette extension-là va proposer des nouvelles tuiles de plateau aussi, des nouvelles civilisations et aussi tout le matériel pour intégrer un cinquième joueur. Donc, c'est une extension, évidemment, ça va prendre le jeu de base, mais cette extension, Gloire et Fortune, est prévue pour l'été 2012. Excellent. Et qui parle jeu de plateau, jeu de rôle, parle souvent de dés? Et toi, tu vas nous parler parce que on sait que chez Distribution Dudes, on voit souvent dans les conventions avec un gros bac de dés. Tu vends aussi des... Et tu le sais, moi, je suis un de tes bons clients au niveau des dés. Et là, t'as des nouveaux arrivages à ce niveau-là. Bien, en fait, nous, on est un petit peu fous des dés, évidemment. Pour moi, le dé, c'est un incontournable. Non seulement c'est mon ami quand je joue à des jeux, mais c'est aussi des beaux objets, c'est des accessoires. C'est cela. Donc, Chessex va nous offrir 6 nouvelles couleurs cet été. C'est dans leur gamme Vortex. Ils sont allés avec des couleurs estivales qui vont vraiment aller avec vos petites robes d'été puis vos petites shorts, là. Ça va être hallucinant. Donc, on retrouve des jaunes, des sarcelles. Il va avoir une espèce de vert éclatant avec des chiffres noirs. Ça va être vraiment superbe. Puis en plus, ça va très, très bien aller dans votre gamme de pendentifs pour les traîner avec vous pendant toute la journée. Et oui, parce que Chantal a ça avec elle quand elle se promène en convention, des petits colliers là, dans lesquels on va insérer des dés, nos dés préférés selon le modèle. Puis on peut porter notre dé préféré comme ça à tous les jours pour pouvoir montrer et montrer à tout le monde qu'on est fiers d'être gamer. Et tu nous disais tantôt, Chantal, que t'avais une petite nouvelle pour un jeu de rôle qui s'en vient, une grosse sortie. Ben, en fait, c'est une grosse sortie pour un tout petit livre. C'est un jeu qui s'appelle Fiasco. Et Fiasco, finalement, c'est un tout petit livre qui va se détailler à 25$ chez vos boutiques préférées au monde. Et puis, le principe derrière Fiasco, c'est que ce sont toujours des scénarios catastrophes, un peu à la façon des frères Coen. Donc, finalement, des anti-héros qui ne veulent pas du tout faire les choses comme elles arrivent. Donc, il va toujours avoir un espèce de plan qui ne marchera pas. Il y a des gaffes, il y a des morts, et finalement, on essaie de s'en sortir. La beauté de Fiasco, c'est que ça prend le livre de base pour jouer, et les scénarios sont disponibles sur l'Internet. Donc, n'importe qui peut aller sur le site de Edge et downloader les nouveaux scénarios qui sont mis en ligne à peu près une fois par semaine, et ça de façon tout à fait gratuite. La beauté aussi de la chose, pour les artistes en devenir, pour les gens qui aiment bien écrire des scénarios, ils peuvent soumettre leurs scénarios de jeu de rôle et ils peuvent, à ce moment-là, se faire éditer. Donc, on va pouvoir retrouver leurs scénarios sur le site de Edge ou même site que n'importe qui d'autre. Donc, présentement, il y a déjà 5 scénarios qui ont été mis en ligne, et Fiasco va, lui, être disponible à partir de la première semaine de juin dans toutes les bonnes boutiques de jeux de rôle du Québec. Pour ce jeu-là, Chantal, est-ce qu'on doit s'attendre à se retrouver devant un peu le papier D là, que tout le monde doit avoir pour jouer, disons, à Donjons Dragons, à Pathfinder, Vampire et ces jeux-là, ou c'est un autre système qui diffère un peu? En fait, c'est un jeu qui est moins exigeant au niveau matériel. Papier, crayon, imagination, c'est toujours une bonne idée, mais c'est un jeu, finalement, qui ne fonctionne pas vraiment avec tout un système là, qui est déjà... qui va, en fait, devoir intégrer, là. On n'a pas besoin d'un manuel du joueur avec le manuel du maître, avec le best-seller, avec les dés, avec tout le kit. En fait, avec un livre, on est capable de s'en sortir. Donc, c'est un jeu vraiment qui est très, très, très, très, très facile d'accès, parce que seulement avec le livre de base, on est capable de jouer. On l'ouvre, on fait notre personnage, on a notre scénario, et allez hop, cascade, pour 2-3 heures, on est vraiment parti. Ça ne prend aucune préparation, et habituellement, les scénarios s'adresse à 3 à 5 joueurs. Donc, il n'y a pas de maître de jeu non plus. OK. Donc, finalement, un jeu de rôle pas trop lourd, intéressant, rapide, puis en plus, pas cher. Donc, une belle suggestion. Merci beaucoup, Chantal. Et est-ce que tu as un petit quelque chose final pour nous? Est-ce que tu as une dernière annonce à faire avant qu'on se quitte? Ben non, moi, en fait, j'ai hâte de vous voir aux Journées ludiques de Québec. Je pense que ça vaut la peine de souligner que ces journées-là se passent encore pour la 7e année consécutive. Et puis, à part de ça, ben c'est pas mal ça, les nouvelles du sport ici à Montréal. Merci beaucoup, Chantal. Écoute, je te remercie beaucoup. Nous, c'est sûr, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais être aux Journées ludiques à Québec. Veux-tu nous rappeler, en terminant, c'est où exactement, juste pour le rappeler à nos auditeurs? Alors, c'est au Centre communautaire Michel Labadie, qui est situé au 3705 Avenue Chauveau, dans l'arrondissement Les Rivières, à Québec. Yes. Vous pouvez trouver des informations pour s'y rendre sur www.journeeludique.qc.ca. Ça vous dira aussi le coût pour d'inscription, qui est minime. Pour la fin de semaine, on parle de 20$. Samedi seulement, c'est 15$ et dimanche, c'est 10$. C'est vraiment organisé par des bénévoles qui ne se graissent pas la patte. On ne parle pas de corruption ni de mafia, mais bien des gens qui aiment les jeux et qui veulent vous les faire découvrir. Excellent. Merci beaucoup, Chantal. Écoute, quelque chose, un événement ludique et clean, ça va faire du bien à tout le monde, je pense, au Québec et à Québec aussi. Donc, on va se revoir le 9 et 10 juin prochain pour ces journées-là. Je te remercie beaucoup, Chantal. Un grand plaisir. Alors, on va continuer la musique. D'ailleurs, vous allez réécouter, réentendre Chantal dans les prochaines semaines, prochains mois. On va continuer à l'appeler pour avoir des nouvelles côté jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle et autres accessoires qui entourent tout ça. On continue en musique avec le groupe Collectivo qui s'appelle Que la Vita. Vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. À l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale et on continue avec M. Andrew Castegan et on va vous parler un peu du E3 qui s'en vient aussi à grands pas. À partir du 5, c'est du 5 au 7, je crois, M. Andrew? En fait, c'est du 4 au 7. Oh, du 4 au 7, pardonnez-moi. Donc, t'étais mieux. Le E3, donc l'exposition la plus grosse, je pense, au monde, là, quand on va parler de jeux vidéo. Ben, en fait, c'est la plus reconnue. La plus, ouais. Parce qu'en fait, la Tokyo Game Show... Le problème, c'est que c'est à Tokyo. Elle laisse pas sa place, mais le problème, c'est que... C'est à Tokyo. C'est à Tokyo. Donc, le E3 s'en vient, mesdames et messieurs, dans deux semaines, et des annonces qui sont sorties, des rumeurs. On va vous parler de ça aujourd'hui. L'année dernière, on vous avait fait je vous avais fait un petit podcast par rapport au E3, mais cette année, ça tombe bien. L'émission va être en onde et le 7 juin sera un jeudi. Donc, le jeudi, la fin du E3, l'émission... Je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir une émission spéciale E3. Je vous garantis pas que ça va être un 2 heures, mais E3 puissance maximale. Et aujourd'hui, on va vous parler des annonces, des rumeurs. Andrew, qu'est-ce qui est sorti sur les internets? Ben en fait, premièrement, les grandes annonces du E3 ont été déjà annoncées. En fait, comme on sait, le E3, il y a toujours une journée où on a les grosses conférences de presse des grands fabricants, dans le fond Sony, Microsoft et Nintendo. Ça a été annoncé que ça serait le 4 juin que ça serait. Si on se fie à les années passées, normalement, on devrait avoir Microsoft et Sony qui vont faire leur comité de presse, présentation, dans le fond, le 4. Et normalement, Nintendo serait le 5 au matin, si on se fie à la moyenne des autres E3. Puis le restant de la journée, dans le fond, ça va être les compagnies qui vont présenter leurs jeux. La liste, dans le fond, des confirmations des jeux qui vont être présentés ont déjà commencé à sortir. Comme exemple, si on commence avec Capcom, Capcom avait déjà fait des annonces au début de l'année, mais t'sais, l'année passée, il y avait des jeux qui étaient annoncés, on s'attendait à voir au E3, qui n'ont pas été présentés beaucoup à part un trailer... Je me rappelle l'année dernière, en ce cas pour ce qui était de le Nintendo, c'était la Wii U, donc beaucoup de trailers, justement de bandes annonces. On parlait beaucoup avec les gens, puis pour Xbox aussi, c'était beaucoup de la bande annonce. Il y avait pas vraiment de vrai gameplay. Sony en avait un peu plus. Mais au E3, faut pas s'attendre à avoir tant de gameplay que ça. Là. C'est ça, mais sauf que là, Capcom ont annoncé qu'au E3 cette année, il y allait avoir présentation plus en détail de Resident Evil 6, qui serait la conclusion d'un arc, dans le fond, là, de la franchise Resident Evil, donc passer à un autre chapitre. Après ça, il y aurait Lost Planet 3. Lost Planet, une série de jeux qui avait commencé moyen avec le premier, mais qui a finalement fait sa place avec le deuxième et qui prévoit encore une fois essayer de nous surprendre avec le 3. DMC, qui est le reboot de Devil May Cry, que les fans ne sont pas chauds à l'idée actuellement avec ce qui a été sorti, mais bon. De quoi ils ont parlé? Est-ce que tu étais au courant? Ben, en fait, c'est que Dante n'a plus les cheveux blancs. Bon, déjà en partant... ça a l'air d'être un jeune emo à la tendance suicidaire et tout le kit, là. Fait que... Contrairement à Dante, qui est assez fier dans la série Devil May Cry, assez fendant même, là, pédant même, et qui mange des pizzas. Mais, ben, c'est ça, mais tout cet aspect-là, dans le fond, là, qui faisait en sorte que Dante est un personnage mémorable, dans le fond, a été enlevé. On parle vraiment d'un personnage réinventé, nouveau style. Capcom dit... Ne vous inquiétez pas, vous allez l'adorer autant que les autres, mais là, le monde... Mais les fans, quand on les sort de leur zone de confort, des fois, c'est... Mais pas des fois, souvent, il faut s'attendre à ce genre de réaction. Là. C'est ça, puis aussi, en même temps, il va y avoir plus de détails sur Street Fighter X Tekken sur la Vita, mais ça, on s'attend pas à avoir des annonces à tout casser. On s'entend que le jeu est déjà sorti, là, c'est pas comme s'il y avait grand-chose à nous annoncer. Sinon, on a 2K Games qui ont annoncé qu'elle allait donner plus de détails sur Borderlands 2, qui était le genre de jeu de tir avec tendance action RPG que 2K Games avait sorti. Le premier, il a pas brisé de record, mais c'est un jeu que beaucoup de gens ont apprécié. Puis le 2, ils disent avoir pris beaucoup en note les commentaires des joueurs pour essayer d'améliorer le système et rendre l'expérience de jeu encore plus mémorable. Donc, on a bien hâte de voir. Sinon, Electronic Arts a annoncé énormément de jeux. Évidemment, ils vont parler de SimCity. Oui, ça c'est un gros titre qui s'en vient, c'est en tout cas l'année prochaine ou cette année, je me rappelle plus, là, mais il s'en vient bientôt. Il me semble que c'était fin de l'année qu'il l'avait prévu, mais était le reboot de la série de gestion de ville qui prendrait une tournure multijoueur. Sinon, ils ont annoncé Medal of Honor Warfighter. Un retour de la franchise Medal of Honor pour combattre... combattre. En fait, il y a eu une tentative de retour déjà de Medal of Honor qui n'avait pas été très appréciée, très inspirée dans le fond de la guerre en Irak, tout ça, que dans le fond, le monde disait que c'était un décor vide avec un système, ma foi, pas très génial. Fait qu'allons-nous voir le retour glorieux de Medal of Honor, parce qu'il faut pas oublier, les premiers Medal of Honor étaient excellents. Ça a été les premiers titres de jeux de jeux de tir de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient vraiment appréciés. C'est ça, donc c'est sûr, avec Call of Duty qui prend de plus en plus de place, ça serait bien que Medal of Honor amène un petit vent de nouveau, essayer de briser la boucle. Question qu'on se fasse pas annoncer Call of Duty 5... pour 2013. C'est ça. Et sinon, ben il y a tout ce qui est Madden, FIFA, NHL, les DLC de Battlefield 3, Close Quarter, qui va être pas de véhicule, mais dans des endroits très clos avec juste des armes à feu, et Armored Kill, qui est l'inverse. Bref, des combats rapprochés et un autre DLC de combat de véhicules. Exactement. Sinon aussi, il y a Namco qui va présenter Dragon Ball Z for Kinect. Oh! Et j'ai vu des vidéos sur Internet et. Pas sûr. À part la satisfaction de prendre la pause du Kamehameha et de crier, je ne vois pas vraiment qu'est-ce que ce jeu va donner. Mais bon. Moi, j'ai l'impression que si Microsoft présente ce jeu-là pendant sa conférence de presse, je vais beaucoup rire. Ben, parce que, ah oui, on va prendre les paris d'ailleurs. Faites vos commentaires sur Facebook. Est-ce que Microsoft va vraiment montrer le gameplay enfin de la Kinect réellement et non pas. Au E3, ouais. Au E3 et non pas payer des acteurs. Fait que, prononcez-vous sur notre Facebook. Je dirais non. Donc, aussi, Namco vont présenter l'édition Prepare to Die de Dark Souls. Jeu, ma foi, très très dur qu'il y a eu sur la PlayStation 3 et la Xbox. Il va y avoir une version PC qui va sortir avec cette édition-là. Après ça, un nouveau Tekken Tag. Donc Tekken qui est toujours une valeur sûre avec Namco. Nintendo, très surpris, pas beaucoup de confirmations. Premièrement, la Wii U figure pas dans la liste. Donc c'est, ma foi, un peu bizarre. Mais bref, ils ont confirmé que Pikmin 3 et Super Mario Wii U seraient de la discussion au E3. Après ça, nous pouvons aussi parler de Sega. Encore une fois, Sega a annoncé deux jeux, Aliens Colonial Marines. Donc, un jeu quand même très attendu par les fans d'Aliens, parce que, ma foi, il a de l'air très très bon. Et après ça, Sonic and All-Star Racing Transform, qui est comme le deuxième Sonic and All-Star Racing. Faut pas oublier, le premier était un peu un genre de Mario Kart. C'est pas la première fois que ces gars essayaient de percer dans le Party Racing, et ça a été la première fois qu'ils ont eu vraiment un succès avec leur jeu de course. Quand même assez dur, donc là, ils veulent se rendre dans la portion transformation, donc bateau, vaisseau et tout le kit. Donc, titre à surveiller. Sinon, par la suite, Square Enix vont parler de Hitman Absolution, le jeu de tueur à gages qui est dû pour cette année, qui est, ma foi, c'est Hitman. On peut pas détester ce jeu-là. Après ça, on peut détester le film de Hitman, mais pas les jeux. On peut pas comparer les films de jeux. C'est tout le temps à prendre à part. On se rappellera du film de Mario Bros. Non, il est excellent, lui. Non. Après ça, il y a Tomb Raider, qui malheureusement a été retardé en début 2013, oui. Mais qui va être présenté encore une fois. Peut-être un petit peu plus d'éléments de gameplay, je trouverais ça pas pire, parce que... On avait vu une belle bande-annonce là, au dernier E3, là. C'était vraiment intéressant, mais là, est-ce qu'on va avoir le droit à un petit peu de gameplay? On va l'espérer. Après ça, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, le Kingdom Hearts de la 3DS va être présenté avec plus de détails. Sinon, moi, en tant que fan de Tecmo, Koei, compagnie qui fait Dynasty Warrior et compagnie, ben pas au complet, mais au moins Tecmo, mais Dead or Alive 5 va être présenté. J'aime beaucoup cette série de combats-là, en fait, c'est ma série de combats préférée, et non, ce n'est pas à cause de la physique des seins des personnages, c'est parce que je trouve que la mécanique de jeu est facile à prendre en main et le fun. Après ça, Ubisoft vont donner plus de détails sur Far Cry 3 et Assassin's Creed 3. Bien évidemment. Je suis pas mal certain que vous êtes surpris. Et par la suite, c'est pas mal ça au niveau des gros titres, à part peut-être Darksiders 2 par THQ qui est à veille de sortir. Fait que on n'en prendra pas grand-chose au niveau du E3. Pour l'instant, faut vous dire, c'est pas uniquement ces jeux-là qui vont être présentés au E3, c'est juste une liste qui se met à jour régulièrement. Et on vous dit aussi que ce genre de choses-là, c'est pas annoncé tout dans la présentation des développeurs. Ils vont parler souvent des plus gros titres, et on va avoir des présentations sur le plancher de l'exposition à ce moment-là pour justement du gameplay, puis on va parler des titres, il va y avoir des annonces qui vont être faites, mais pas obligatoirement pendant les présentations des développeurs et des éditeurs et des grosses compagnies. Donc c'est sûr, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont du gros budget. L'année passée, avec Nintendo, était avec Orchestre Symphonique, je me rappelle. C'est une des présentations que j'avais le plus aimé, surtout avec la présentation de la Wii U, là. Mais il faut pas s'attendre à ce que tout sorte dans les présentations des développeurs. Mais ça vaut la peine. Écoutez, si vous écoutez ça en ligne directement sur les internets, c'est sûr et certain que vous allez trouver des choses intéressantes, là. Et côté aussi, ben écoute Andrew, on parlait de la Wii U, là, il y a quelques rumeurs qui sont sorties en fait, c'est des annonces qui sont sorties là récemment là à propos de la Wii U. En fait, je pense c'est sorti à cause, je pense un leak, donc une fuite chez Ubisoft par rapport à certaines annonces sur la Wii U, des choses qui ont été demandées souvent à Nintendo. Eh bien les informations c'est sorti. Premièrement le prix, on nous annoncerait une console qui tournait autour de 350 à 450 $. Finalement, c'est un peu plus cher que ce qui avait été prédit. Mais bon, on verra encore. Il y a toujours la question du côté technique de la Wii U, là, la performance technique. On en parle aussi dans les choses, dans les nouvelles qui ont été sorties. On nous parlerait de spécifications de la console qui serait capable d'utiliser DirectX 11 et qui serait aussi capable d'utiliser l'engin Unreal 4. Malgré ce que certaines personnes diraient. C'est quand même intéressant. On nous parle aussi d'une console qui supporterait finalement les deux touch controls, dont les contrôles, les nouvelles manettes avec écran tactile. Il y en aurait deux finalement. Les premières annonces qui avaient été faites, c'est qu'il y aurait une manette, on pouvait pas en acheter d'autres, on pouvait pas en rajouter d'autres. Mais là, on va pouvoir en utiliser deux sur notre console. On parle d'un 2 GB de RAM 500 et 560 MB pour la manette. On nous parle de Assassin's Creed 3 qui jouerait en 60 FPS à 1080p, contrairement à ce qui va se faire sur PS3 et Xbox 360. C'est quand même des bonnes nouvelles. Je veux dire, c'est pas mauvais. Là. C'est juste... à part le prix, hein, qui est un peu élevé. Moi, je trouve ça toujours surprenant de voir à quel point Nintendo sont capables de rester beau dans la RAM. Quand même, hein? Et d'avoir quand même des performances. Parce que, tu sais, on s'entend, les jeux prennent de plus en plus de mémoire. C'est sûr que les graphiques des jeux vont majoritairement dans la carte vidéo, mais, tu sais, je regarde les ordinateurs de nos jours qu'on monte quasiment à du 6-8 gigs quand on les jette en magasin, puis on installe un jeu récent, puis on lag dedans. Je trouve ça surprenant que les consoles de jeux s'en tiennent encore à du 2 et 4. C'est sûr qu'ils n'ont pas de système d'exploitation à rouler, là, contrairement à Windows, puis tout ça, mais quand même. Autre annonce, on nous annoncerait une sortie pour le 23 novembre. Vraiment un peu avant les fêtes. J'ai hâte de voir si ça va exactement être ça, là, mais c'est ça s'en vient plus vite qu'on pense. Hein. Préparez-vous à une pénurie. Ouais, ben on se rappelle que la Wii, il y a des gens qui ont fait la file longtemps avant d'avoir des consoles. Et finalement, des développeurs qui travaillent déjà là, sur le système Crytek, EA, Valve. Et oui. Et finalement, la Wii U posséderait il supporterait finalement le système d'achievements, comme pour la 360, la PS3. On aurait aussi le Vitality Sensor qui sera encore supporté pour cette console-là. Donc, dans les annonces là, qui s'en viennent là, dans le truc du E3 qui s'en vient, là, voilà des annonces pour la Wii U. On va continuer en musique après ce segment E3 et on va vous revenir là, après la musique finalement pour un petit... on va continuer pour notre deuxième partie avec M. Diego Lamana qui va venir nous parler de joueurs professionnels. Il va avoir évidemment vos deux serviteurs qui vont revenir pour des nouvelles ludiques après cette courte pause musicale et les publicités qui s'en viennent sur les ondes de CKIA FM. Donc on va y aller en musique avec le groupe Black Sabbath et la chanson Paranoid. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal. Benoît Cécile, animateur en dessin animé. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée spéciale de nos collaborateurs. Et c'est pour deuxième partie d'émission. On reçoit M. Diego Lamana, notre collaborateur qui nous parle de l'univers du jeu, mais en dehors, finalement, de l'ordinaire. Aujourd'hui, on va parler de jeux professionnels. Salut, Diego. Bonjour, Mickaël. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Très bien. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de e-sport, communément appelé le jeu vidéo professionnel. Donc, comment ça a débuté tout ça, finalement, le jeu? Parce que j'imagine que ça a bien commencé à quelque part, que les gens veuillent se faire payer pour jouer. Oui, c'est sûr. C'est évident qu'il y a toujours eu de la compétition dans le jeu vidéo depuis le début des arcades. Il y avait toujours les tableaux de high score qui existaient. Mais le phénomène de e-sport est né à la fin des années 90, plus particulièrement lié avec le développement du PC et des internets qui permettaient un jeu en ligne et donc des plus grandes facilités d'organiser des compétitions sportives là, de jeux vidéo. Et il y avait aussi les LAN aussi qui se sont faits en même temps. Parce que là, j'imagine que ça devait se faire justement parce qu'il y avait les LAN parties dans les années 90, début 2000 justement, parce que c'était pas toujours évident de jouer sur Internet en ligne. Est-ce que ça a débuté vraiment comme ça? Est-ce que ça se fait encore seulement en LAN, ce genre de compétition-là? Ben c'est encore beaucoup aujourd'hui par rapport soit en ligne via les internets par plusieurs sites, mais la première ligue professionnelle, la Ligue des cyberathlètes professionnels, le CPL, est née en 97 avec comme principal jeu le jeu Quake, puis par la suite Counter-Strike. Donc il y avait la majorité des parties étaient organisées en ligne et il y avait des gros LAN parties qui s'organisaient pour mousser la popularité des événements. Puis là, depuis ce temps-là, ça s'est organisé, bien évidemment. Puis il y a des ligues qui se sont créées par rapport aux jeux professionnels. Il y a beaucoup de ligues, évidemment. Depuis l'arrivée de StarCraft, c'est beaucoup en Corée que le phénomène de e-sports a débuté. Encore aujourd'hui, il existe la World Cyber Games, les World Cyber Games, donc les jeux mondiaux de jeux vidéo. En Asie, plus particulièrement, ça a commencé là en Corée au début des années 2000. Ça existe toujours. Puis c'est pas juste en Asie. Ils organisent des tournois à l'extérieur. Il existe en France la Coupe du Monde de jeux vidéo depuis 2003, qui existe, c'est ça toujours, mais qui font aussi des tournois aux États-Unis. Ils en ont fait une année, ils ont organisé leur tournoi aux États-Unis. Puis par exemple, la Coupe du Monde de jeux vidéo, les bourses en 2011, ça totalisait 175 000 $ US sur 7 jeux. C'est quand même des bons montants, mais là, il y a aussi une grosse ligue, je pense qu'il y a même un chapitre à Québec, la Major League of Gaming. Absolument, c'est ça. Major League of Gaming, c'est pas mal la plus grosse. C'est une compagnie en fait. C'est un peu le e-sports est facilement comparable au sport professionnel comme on le connaît, soit au hockey, au golf, et au tennis. C'est un mélange d'un peu des méthodes d'organisation de ces compagnies là. Ça a été fondé en 2002. Au départ, c'est surtout nord-américain, donc c'est ça c'est plutôt le penchant nord-américain du phénomène. Mais maintenant, qui couvre plus d'une centaine de pays, j'ai pas le chiffre exact, donc c'est immense. Donc l'organisation là, de ça, c'est il y a un circuit pro, donc vraiment un circuit professionnel où seulement les joueurs d'élite compétitionnent, et il y a des games battles sur Internet, donc des joutes, des ladders comme on retrouve sur Battle.net avec StarCraft et dans d'autres choses aussi comme Call of Duty et sur Steam aussi, il y a des méthodes de jeu en ligne comme ça. Mais au niveau des ligues, est-ce qu'il y a des ligues qui se spécialisent dans des types de jeux, un peu justement la ligue de baseball, la ligue nationale de hockey, la ligue nationale de football? Est-ce que les ligues professionnelles de jeux se spécialisent dans les types de jeux, genre une ligue qui ne fait que du StarCraft ou qui fait que du first-person shooter? Pas vraiment, en fait. Donc, le Major League Gaming, comment la compagnie fonctionne, c'est qu'elle a des ententes. Donc, les plateformes pour la Major League of Gaming, donc chaque ligue et chaque organisation a son fonctionnement différent, mais la Major League of Gaming a uniquement des jeux sur le circuit pro en PC et en PS3 seulement, en ligne ou en LAN. Donc ça va être uniquement des jeux qu'on va retrouver sur ces deux plateformes-là. Mais les jeux les plus populaires dans le e-sport, c'est surtout les jeux de type RTS, de combat, de FPS, les MMO ou les jeux de sport. Mais toutes les ligues jouent sur plusieurs facettes de ces catégories-là, tout dépendant des ententes qu'ils ont avec les consoles et les compagnies de jeux. Et comment on fait pour devenir un joueur professionnel dans ces ligues-là? C'est quoi les modes de qualification qu'on va retrouver pour devenir joueur? Est-ce que c'est très, très, très difficile? Est-ce qu'on peut devenir seulement un petit joueur comme ça à l'occasion dans le genre de ligue-là, ou il faut vraiment s'investir à temps plein pour devenir joueur professionnel? Il faut absolument s'investir à temps plein. C'est des heures et des heures de pratique. Moi, personnellement, je suis loin d'être un joueur professionnel. J'apprécie, par contre, je suis un spectateur de ce type d'événement. Mais c'est ça qui est... J'ai quand même été intrigué parce que, personnellement, moi, j'ai regardé, je pense, l'année dernière, justement, des compétitions de StarCraft 2, et on pourrait penser que c'est... de revoir des personnes jouer, c'est plus ou moins intéressant. Mais quand on connaît un peu le jeu, c'est vraiment, mais vraiment intéressant de voir les stratégies utilisées par ce genre de joueurs-là. Et on se rend compte qu'on n'est pas si bon que ça, finalement. Oui, absolument. Et voir, en fait, c'est les manœuvres que ces joueurs-là, c'est que, comme tu le mentionnes, ça n'a aucune commune mesure avec voir un de ses amis jouer dans son salon. La perfection des mouvements, les stratégies qu'ils utilisent, c'est vraiment, on peut faire la comparaison entre voir une ligue de hockey de garage puis voir la Ligue nationale de hockey. C'est vraiment la même chose. Mais comment on commence là-dedans, c'est comme dans toutes les choses. Par exemple, si on prend l'exemple de StarCraft 2, qui moi aussi m'intéresse plus particulièrement, on commence sur Battle.net et il y a des ladders qui existent. Le mot m'échappe, mais on a une catégorie de joueurs or, bronze, platine, tout dépendant du nombre de victoires qu'on a. Et donc, plus on performe dans les circuits amateurs, ben on va se faire repêcher pour devenir professionnel. Et c'est ça. Donc la Major League of Gaming, comment elle est organisée, c'est que c'est organisé par saison. Donc automne, hiver, printemps. Là, la saison d'hiver est terminée en mars. La saison du printemps recommence avec la E3 que vous parliez précédemment. Juste après, il va y avoir une démonstration de la Major League of Gaming justement au E3 prochainement. Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a du maraudage sur Battle.net. C'est comme ça que ça marche, c'est que les gens vont voir les joueurs jouer, vont voir les classements, puis ils vont les contacter via Battle.net? Oui, ben il y a des équipes qui existent, des équipes coréennes, des équipes nord-américaines. Une des grosses équipes nord-américaines, il y a Evil Geniuses et Team Liquid, par exemple. Je suis pas sûr que Team Liquid est exclusivement nord-américaine. Mais donc c'est ça, c'est des équipes, des clans, si on veut, qui ont des commanditaires. Et c'est ça, les jeunes Coréens, c'est comme ça qu'ils commencent. Ils se trouvent des commanditaires pour pouvoir voyager, aller aux États-Unis, jouer un tournoi et ainsi se faire connaître. Et commencer comme ça, tranquillement. Puis pour les gens qui connaissent pas, les gens qui connaissent pas le justement les tournois de StarCraft professionnels, c'est très sérieux. Là. Moi j'ai vu des trucs en Corée. Là. Les gens arrivent avec leur clavier aux compétitions, leur souris, leur headset. Moi j'ai vu des petites filles crier dans des stades, là, des grosses salles. Puis moi je dis stade, là, puis c'est à peu près ça. Là, avec beaucoup, des milliers de personnes qui regardent ça jouer, puis ça crie. On dirait des rockstars ces personnes-là. Là. En Corée, là, c'est un phénomène qui est au-delà des communes mesures, de la commune mesure qu'on peut avoir ici en Amérique du Nord. Dans le genre de compétition qu'on peut avoir, Diego, est-ce que on va avoir justement, on en parlait tantôt, du land des fois qui sera pas streamé sur Internet? Non, même le LAN dans la Major League of Gaming, même le LAN est streamé sur Internet. Donc c'est ça, les deux types de tournois qu'il va avoir, c'est les arenas, c'est des plus petites compétitions qui n'ont pas de spectateurs. Ça, c'est vraiment les tournois plus nord-américains, disons. Les Coréens, comme tu dis, c'est très gros, ça joue c'est des compétitions qui sont montrées à la télévision. Ici aux États-Unis, ça commence tranquillement sur ESPN aux États-Unis. Je préfère ça, moi, au tournoi de bridge, moi, personnellement. Oui, absolument. C'est ça, les arenas, c'est des petites compétitions. Il n'y a pas de spectateurs, mais les LAN sont disponibles en streaming gratuitement sur Internet. Les bourses sont plus petites. C'est des petites compétitions, je disais, 32 joueurs environ. Ça représente 26 000 $ en bourse, dont 10 000 $ pour le gagnant. Tandis que les championnats de saison, il y a des qualifications qui se font tout au long de la saison en plusieurs tournois land, certaines fois en streaming, d'autres non, parce que c'est pas nécessairement tout le temps des joueurs professionnels, c'est des joueurs amateurs qui vont tenter de faire la coupure, comme par exemple au golf, donc rentrer dans le tournoi, ensuite avoir une invitation pour aller au grand championnat qui va être en land, mais aussi diffusé en streaming devant spectateurs, et ça c'est devant plusieurs milliers de personnes dans des arénas. Par exemple, le prochain va être à Anaheim du 8 au 10 juin prochain. Mais là, je me demande, là, est-ce que, je sais pas, là, je lance l'idée comme ça, est-ce que ce genre de ligue-là, on a déjà pensé faire payer les spectateurs du streaming, payer un certain montant pour pouvoir assister aux représentations sur Internet, ou j'imagine qu'on doit payer pour se rendre sur place si on veut seulement être spectateur, là, mais je sais pas si sur Internet, ça a déjà été parlé là, qu'on doit payer pour regarder ces compétitions-là. Ben, il y a deux méthodes pour le regarder. Il y a le streaming gratuit, qui est une vidéo normale, tandis que si on veut payer, on a accès à des bonus et on a accès à un vidéo HD, haute définition. OK, j'avoue que pour les gens qui sont vraiment mordus, je veux dire, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que moi, j'ai regardé des tournois justement de Evil Geniuses, puis la qualité était quand même pas si mal, mais j'avoue que quand on veut voir les détails du jeu, on veut bien voir ce qui se passe. Une qualité HD, c'est pas de trop. Dans les autres, écoute, tu parlais des championnats, là, on peut parler de quel genre de bourse pour les championnats? Les gros, c'est ça, j'ai pas mentionné les bourses. Les bourses, c'est 76 000 $ en bourse et 25 000 $ pour le gagnant. Ça, c'est dans StarCraft 2. Ça, c'est les bourses que j'ai données, c'est les bourses de StarCraft 2. OK, c'est quand même des bons montants, hein? Puis ce genre de championnat-là, il y en a un par saison, tu me disais? Oui, les gros championnats, c'est un par saison avec environ peut-être trois qualifications qui sont continentales. Donc une nord-américaine, une européenne et une asiatique. Mais là, dans ce genre, évidemment, là, on parle de ligue, de joueurs professionnels. J'imagine qu'il y a des joueurs, justement, des joueurs vedettes. Oui, il y a quelques joueurs vedettes. Donc, les joueurs de l'heure actuellement en 2012, ce serait... S'il y a deux Coréens, évidemment, c'est les joueurs les plus dominants sur la scène de StarCraft 2. Il y a Marine King Prime, qui est le gagnant du Winter Arena 2012, et aussi le championnat hivernal 2012. Un jeune Coréen qui joue les Terran, pour ceux qui connaissent StarCraft 2, qui est probablement actuellement un des meilleurs joueurs là, sur la planète de StarCraft 2. Il y a un autre, mon préféré, c'est DRG, ou en coréen, Don Regu, qui joue Zerg, c'est pour ça que c'est mon préféré. Toujours deuxième, qui se fait toujours battre par Marine King Prime. Évidemment, il y a des Canadiens sur la scène internationale. Celui qui est considéré comme le meilleur étranger, ce qui veut dire le non-coréen, son surnom est Hawk, Ontario, qui vient de l'Ontario, et celui qui finit troisième au dernier championnat hivernal. Ben quand même, on a un Canadien qui est en très bonne position. Puis côté québécois, est-ce qu'on se démarque aussi? Il y a un très jeune homme. Son surnom, c'est Kiwi Kaki. Le nom que j'ai trouvé, son vrai nom serait Jonathan Garneau, jeune homme début vingtaine qui joue Protoss. Il a fini deuxième à certains tournois, je pense des Evil Geniuses et de, je me rappelle plus de quelle équipe il fait partie, mais ça a été un des top québécois dans la dernière année. Mais là, semble-t-il, les rumeurs disent sur Internet qu'il aurait délaissé un peu StarCraft 2 pour se concentrer sur le poker et sur Diablo 3. Ah, mais Diablo 3 était effectivement un démon qui a volé l'âme de plusieurs de nos amis depuis une semaine et demie. Et là on parle de StarCraft 2, mais on rappelle à tout le monde qu'il y a du professional gaming là, mais ailleurs dans d'autres genres de jeux justement. Mais oui, je vais faire rapidement. Ben oui, vas-y. Oui, c'est des, par exemple World of Warcraft l'Arena, qui ça se fait en gaming. Pour les jeux de sport, il y a FIFA surtout, très populaire en Europe. Pour les FPS, Counter-Strike est encore joué professionnellement. Call of Duty, les jeux de combat, Soul Calibur 5, Mortal Kombat, qui est très populaire dans la Major League of Gaming, et évidemment les Street Fighter. Et il y a aussi les League of Legends et les Dota 2 qui sont extrêmement populaires là, en termes de RTS. Dans le même genre, en tout cas dans les activités qui tournent autour du jeu professionnel. Tu m'avais parlé du Barcraft. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler des événements Barcraft. En fait, c'est le Barcraft, c'est le visionnement des activités de la Major League of Gaming dans des villes où la Major League of Gaming ne tient pas d'événements. Donc, c'est les mordus de eSports et de StarCraft 2 qui se rendent dans des bars ou dans des pubs pour aller regarder les matchs des finales le dimanche après-midi du Major League of Gaming, du championnat de la saison. OK, c'est qu'on a vraiment, on s'en vient de plus en plus, là, tu me parlais tantôt de ESPN, on s'en va vraiment de plus en plus vers une culture du sport comme on l'a pour le vrai sport. En Amérique du Nord, ben, on a la même chose pour le e-gaming, ça fait qu'il faudrait vérifier à Québec. Mais là, tu me disais qu'il y avait quelque chose à Montréal et à Québec pour la Major League of Gaming. Absolument, c'est ça. À Montréal, Montréal, c'est lui qui, semble-t-il, tient, selon la Major League of Gaming, c'est le plus gros événement de Barcraft au monde. C'est le plus important. La première édition, on estimait à 600 personnes. J'étais pas présent. La deuxième édition, il y avait facilement plus de 1000 personnes dans le club du centre-ville pour voir l'événement. C'était vraiment une ambiance de match de série éliminatoire de hockey. Le monde réagissait aux stratégies développées. Il y a Hawk, c'est la journée où Hawk a fini troisième, donc tout le monde prenait pour le Canadien dans l'événement. C'était vraiment intéressant. À Québec, c'est plus petit, ça se tient au pub de l'université, je crois. Oui, pub de l'Université Laval, oui. Oui, je vais mettre les liens exacts sur les sur votre blog. Je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez les mettre sur le blog. Excellent. Donc, une grosse activité. En fait, ça se passe aussi à Québec. Si on veut se renseigner sur ces dates-là, là, pour les prochains Barcraft, là, on peut aller, j'imagine, sur est-ce que c'est le site de la Major League of Gaming qui va le publier, ça, ou il faut vraiment aller sur les sites des gens qui organisent l'événement? Il y a trois sites où les événements vont être mis sur les forums. Il y a Barcraft Québec, qui est pour les activités de Barcraft générales dans tout le Québec. Barcraft Montréal, qui est sur le site de Starcraft 2 Québec, donc sc2qc.com. Et pour la ville de Québec, c'est barcraftcapital.com. Excellent. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Diego. Est-ce que tu as un mot de la fin ou même quelque chose à rajouter, là, que tu aurais eu un flash avant qu'on se quitte? je pense qu'on avait fait le tour de ton exposé, finalement. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Diego, pour ta participation encore à Puissance Maximale. Et on va te rappeler, évidemment, très bientôt pour pouvoir faire une autre discussion avec toi sur le monde du gaming. Oui, juste aller voir majorleaguegaming.com pour une vidéo. Les vidéos en streaming sont disponibles, sont pas uniquement disponibles live, mais aussi par la suite, sont tous disponibles sur le site Internet. Excellent. Merci beaucoup, Diego. Merci à vous. Et on continue en musique avec le groupe Grimmskunk et la chanson Gros tas de marde, qui est un classique. Et vous allez voir dans les paroles, on est encore un peu dans le contexte là, présentement politique au Québec. Là. Écoutez bien ça. Donc, Grimmskunk, Gros tas de marde, à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonsoir, bonsoir à la République. Au nom de la Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette magnifique présentation de Normand. D'ailleurs, que je suis toujours content de l'entendre Normand nous présenter. Et on y va en nouvelle ludique, mon cher Andrew. Et on va commencer par un jeu que tu aimes bien, je le sais. Et je pense que tu nous en avais parlé à l'émission Total War Shogun 2. Oui, meilleur jeu de stratégie ever. Si vous êtes un fan de jeux de stratégie et que vous aimez ça, les jeux durs, je dis bien durs, jouez à ce jeu-là. Eh bien, vous allez avoir la possibilité, cher joueur, de ce jeu, donc toi, Andrew, d'avoir accès à un éditeur de cartes. Et oui, depuis, il manquait juste ça, finalement, ce petit détail-là pour satisfaire les joueurs. Eh bien, l'éditeur, il y a un éditeur de map officiel maintenant qui est disponible, je pense, c'est même gratuit. Oui, il est gratuit dans la section outils de Steam. Donc, vous allez sur votre Steam et vous allez vous chercher ça, joueur de Shogun 2, Total War, et vous allez avoir accès à ça. J'avoue que pour le genre de jeu que c'est, parce que c'est le fun, jouer contre des amis ou contre l'intelligence artificielle, mais c'est toujours le fun de jouer à son propre scénario avec la carte qu'on a fait. Ça amène toujours un petit côté de rejouabilité vraiment intéressant, puis en plus, c'est gratuit. En même temps, pour ce genre de jeu-là, souvent, c'est compris au lancement, hein, ou avec un patch qui vient rapidement après. Donc, c'était bizarre qu'il l'ait pas avant ça, mais maintenant, vous l'avez, cher joueur. Andrew, tu as une nouvelle vraiment intéressante. On nous parle de Skyrim. Oui, Skyrim, jeu que beaucoup de monde adore. En fait, Bethesda a donné plus d'informations au niveau du fameux patch 1.6 qui devrait sortir éventuellement. En fait, quelque chose qu'on a beaucoup crié dans Skyrim qu'il n'y avait pas. Ils vont mettre, mesdames et messieurs, le combat pendant qu'on est à cheval. Oh, le combat sur monture. Ça, j'avoue que c'est un bel ajout pour ce jeu-là, parce que ça, il n'y a rien de plus tannant quand on se promène, puis on est obligé de débarquer du cheval, attaquer notre ennemi qui a le temps de taper sur notre cheval pendant ce temps-là, puis après ça, remonter sur le cheval, ce qui était vraiment pas très logique. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de tester ça. Et dans le fond, ça va nous permettre de se battre à l'arc ou à l'épée sur le cheval, donc quelque chose qui risque d'être très intéressant. Le monde qui sont inscrits à Steam Beta, pour avoir dans le fond les updates bêta des jeux, ont déjà accès au patch en question pour le tester. Malheureusement, par contre, la version PC va sortir avant la version console. Donc, les gens qui l'ont sur PlayStation et Xbox devront être plus patients. Ben, moi, je ne suis pas malheureusement, parce que moi, je joue sur PC et je suis très content que ça sorte en premier. Et dans les autres éléments qui vont être corrigés, on parle de correction de certains bugs avec les fameux killcam qui venaient avec la 1.5. Donc, les petites vidéos chouettes de fin de combat. Et pour la version 360, on parle de correction avec les contrôles Kinect, parce qu'ils ne sont pas parfaits, malheureusement. Et malheureusement pour les gens qui ont des Kinect. Et on parle aussi de correction du son et de la luminosité des fameuses racines, les Dread Ninroot, si vous savez pas exactement c'est quoi, le petit bruit agaçant que vous entendez quand vous promenez à la nuit, puis vous trouvez un genre de fougère qui allume, c'est ça. Fait que dans le fond, cette fougère-là a été corrigée. C'est ça, donc dans le fond, un petit peu moins lumineuse et un petit peu moins bruyante. Donc, devrait être un petit peu plus dur à trouver. Ah, merci beaucoup, Andrew. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Je dis merci beaucoup, mais... Au niveau de Skyrim, non, c'est tout. Ah, merci beaucoup, Andrew. Donc, une autre nouvelle, cette fois sur Diablo 3. Et oui, mesdames et messieurs, imaginez-vous donc que vous n'avez pas le droit de mettre le nom que vous voulez à votre personnage dans Diablo 3. Et oui, et on parle de Diablo 3, donc de démons, d'anges, et évidemment, qu'est-ce que ça nous rapporte au monde de la religion? Eh bien, c'est dans des noms sortant de contextes religieux, justement, qui sont censurés, qui sont pas possibles d'utiliser dans Diablo 3. Ça a été rapporté par le site californien Destructoid, et il y a des noms, c'est pas possible d'appeler notre personnage musulman, juif, mormon ou chrétien. Écoutez, à la limite, on pourrait pas scandaliser. Moi, personnellement, je trouve ça un peu ridicule. Mais c'est pas si pire jusque-là. Mais là, il y a d'autres choses aussi. On dirait qu'il y a des religions qui ont le droit et d'autres non. Dans le sens où vous allez pouvoir utiliser... Il y a même des sectes là, qui vont être utilisées. Donc, il n'y a pas de problème pour appeler son personnage bouddhisme, protestant. Alors que les catholiques, ça passe pas. Même scientologie, vous pouvez appeler votre personnage scientologie si vous voulez. Mais il y a même des prénoms qui se rapprochent de certains trucs religieux, dont le prénom Christian. nom en anglais Christian, qui revient du chrétien. Donc, c'est pas possible d'aller mettre un personnage Christian. Et c'est un peu, en tout cas. Puis même vous pouvez pas appeler votre personnage athéiste. Donc, parce que ça pourrait blesser et brimer certains joueurs. Bref, une nouvelle qui est un peu bizarre. Moi qui est pas vraiment croyant et qui est même justement athéiste, moi je m'en fous un peu là, ce que le monde prenne comme nom de personnage. Donc qu'une compagnie commence à gérer ça parce que vous faites un jeu avec des démons puis des anges là, assumés là. Bon, en tout cas. Donc autre nouvelle avec Andrew Castigan. Oui, en fait nouvelle et en même temps référence. IGN ont sorti voilà quelques heures un article très intéressant à propos de Bungie. Comme vous savez, Bungie créateur de Halo pour Microsoft en fait on aime qu'on n'aime pas Halo, faut quand même le souligner. Bungie a mis quand même beaucoup de choses en place pour les first person shooters actuels dans le fond, comme Call of Duty, tout ça, parce que avant Halo on était pas mal dans le moule GoldenEye qui était sorti dans les années 90 dans le fond là, avec la Nintendo 64. Fait que Bungie avait amené un vent de nouveau là dans les first person shooters. Donc IGN font un petit dossier justement où ils relatent de ça, et en même temps ils sortent une nouvelle parce que voilà pas si longtemps Bungie était tombé sur le marché libre, donc dans le fond il n'était plus retenu par contrat avec Microsoft, et il y avait eu des rumeurs comme de quoi qu'Activision les avait approchés pour faire des jeux pour eux, et il y a eu confirmation effectivement que Bungie aurait signé des accords avec Activision pour travailler sur un jeu avec un nom de code Destiny, et ça a l'air d'être un très gros projet d'Activision parce qu'on parle d'une signature pour un jeu en 2013, 2015, 2017 et 2019 dans le même projet, dans le fond, Destiny, que Activision a signé. Et en plus, ils ont même déjà signé pour les expansions de ces jeux-là, qui est sous le nom Comet, qui serait prévu pour 2014, 2016 et 2018 et 2020. Donc, on parle quand même de plusieurs années très chargées pour Bungie. Et en fait, ça serait des jeux multiplateformes qui seraient prévus pour les consoles actuelles et les prochaines. Et au niveau des informations, Activision et Bungie ont laissé entendre que ça serait un type de MMO First Person Shooter. C'est puis que dans le fond, ça serait un WoW in Space. D'accord. C'est la façon de décrire leur jeu. Question d'être pas plus, pas de détails du tout là, tu sais, pour donner pour leur projet là. Ben je vois pas comment ils font la liaison avec WoW et un first person shooter, mais bon. Bref, Bungie nous promettent tout plein de surprises. Par contre, l'article ne fait pas mention si Bungie va donner plus de détails ou Activision lors du E3 de cette année. Je crois peut-être qu'il va être un peu trop tôt avant qu'on ait de l'information. Mais Bungie nous dit qu'il prévoit révolutionner une bonne fois pour tout l'univers du first person shooter en multijoueur et briser le moule du Call of Duty et du Battlefield 3. Donc suivre. On a hâte de voir ça. À suivre. Donc à mon avis, ça risque d'être très intéressant. Annonce quelque peu nébuleuse, mais quand même intéressante. Mais surtout qu'Activision font quand même Call of Duty là. Fait que ils ont quand même. Justement, ils sont peut-être en train de voir que leur franchise commence à. Ben, ils ont des problèmes judiciaires avec une des deux compagnies, justement, là, qui fait les. Ouais, je pense que ça c'est. On en a parlé un peu la semaine passée, puis là, je pense que c'est. Il y a encore des trucs qui se sont réglés là, la semaine dernière en cours par rapport à ça. Mais peut-être que. On sait jamais. Peut-être que Bungie va prendre la place d'une des deux compagnies, puis ça va régler une bonne fois pour toutes. Si je regarde les années, ça fit très. Bref, on verra ce qui va se passer au niveau d'Activision et de Bungie. Une dernière nouvelle avant de retourner en musique pour ceux qui n'ont jamais pu jouer à la mythique série des Thief. Donc, les jeux Thief, ça fait quand même un bon bout de temps que c'est sorti. Ben, Steam est en train de faire une belle promo pour aller acheter ces jeux-là. Les trois jeux, donc, vous allez avoir Thief Gold, Thief 2, The Metal Age et Thief Deadly Shadows. Ben, vous pouvez aller vous chercher ça pour $4.99 le jeu. Écoutez, moi, c'est des trucs que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et c'est C'est vraiment des jeux qu'on dit mythiques, là. C'est une série à essayer absolument. Donc pour les amateurs, allez vous chercher ça sur Steam, ça vaut la peine. Alors, on retourne en musique avec une chanson plus douce un peu. On va changer un peu de Grimmskong. On va aller avec Monsieur Raymond Lévesque avec Quand les hommes vivront d'amour, parce que il faut pas juste se confronter dans la vie, mais il faut aussi à un moment donné faire la paix, et on se le souhaite présentement au Québec, qu'on puisse finir par se parler puis arrêter de taper sur nos jeunes. Donc on va y aller avec Monsieur Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour, à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour d'autres nouvelles ludiques. Et oui, on vous a parlé il y a une ou deux semaines d'un procès que Microsoft a perdu contre Motorola pour un... C'est pour un logiciel de compression vidéo dont ils auraient volé le brevet à Motorola. Ils avaient perdu en Allemagne. Ils sont présentement en train de faire appel à cette décision-là. Et, mesdames et messieurs, écoutez, ça se pourrait que la Xbox 360 pourrait être interdite aux États-Unis. Et oui, après avoir perdu en Allemagne, ben justement, on lui reproche d'avoir violé ce brevet là, de compression vidéo qui appartenait à Motorola. Ben, Microsoft est aussi attaqué aux États-Unis pour les mêmes raisons. Dans le cadre de la procédure judiciaire justement en cours, l'un des juges reconnaît la violation de brevet et recommande une mesure identique à celle qui était infligée aux constructeurs en Allemagne, à savoir l'interdiction d'importer des consoles Xbox 360, cette fois sur le sol américain. Bon, c'est sûr et certain que ça m'étonnerait que ça passe aux États-Unis, parce que On s'entend que les États-Unis, c'est la terre du capitalisme, de la libre entreprise. Et mettons que c'est quand même, si on est sur la fin de la vie de la Xbox 360, c'est quand même beaucoup, c'est quand même un gros coup qui serait porté à Microsoft. Mais on imagine que ce qui va se passer, c'est que ils vont se parler, Microsoft et Motorola, pour les États-Unis, puis ils vont s'entendre pour un règlement hors cours, puis il va y avoir des royautés qui vont être données à Motorola. Mais bon, ça m'étonnerait bien gros que, vu la fin de la vie de la 360 et tout, qu'ils en fassent un grand plat. Mais quand même, je trouve que c'est une nouvelle assez intéressante de voir que ça se pourrait. Il y a quand même des chances que la 360 soit interdite aussi aux États-Unis parce que Microsoft fait pas attention. J'espère que ça va leur servir de leçon, puis qu'ils vont faire attention la prochaine fois et qu'ils vont développer leurs propres outils pour leur console. Mais bon. Autre nouvelle, M. Andrew, on reparle de Diablo 3. Ben oui, on n'en a jamais assez parlé de Diablo 3. En fait, c'est plus un truc que je vais vous donner qu'une nouvelle. C'est même un truc c'est un peu niaiseux. Non, c'est super intelligent. En fait, un des points qui avait été critiqué un peu de Diablo 3, c'est par les hardcore gamers, c'est que on peut pas mettre qu'est-ce qu'on veut. T'sais, on a des raccourcis clavier, comme je disais, le 1, 2, 3, 4, clic droite, clic gauche. Ben en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que le clic droit, il y a seulement 4 skills qu'on peut mettre là. Le clic gauche, 4 skills. Puis, tu sais, c'est tout séparé comme ça. Puis, on peut pas vraiment mettre ça comme on veut pour que ça soit accessible comme on le veut. Et il y a beaucoup de fans qui ont crié « Scandale! On peut pas faire qu'est-ce qu'on veut! » Et finalement, le 14 mai, la nouvelle vient de sortir sur IGN, mais bon... Ah non, ça a été traduit le 14 mai, excusez-moi. Mais bref, Blizzard ont sorti de leur cachette et ont dit « Calmez-vous, les fans! » Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec vos skills. C'est une case à cocher dans les options. Et oui, mesdames et messieurs, il y a une façon de faire en sorte que vous pouvez gérer vos skills de personnage comme vous voulez. Et c'est tout simplement d'aller dans les options, après avoir appuyé sur échappe, aller dans la section gameplay ou jouabilité en français. Et il y a une petite case qui s'appelle Elective Mode. Je n'ai pas l'équivalent en français, mais c'est généralement le dernier bouton à cocher dans la colonne de droite. Et si vous le cochez, ben, vous pouvez gérer vos skills comme vous voulez. Si vous voulez mettre deux skills offensifs sur votre souris puis le reste du passif, c'est vous qui décidez. Vous avez plus de limites. Fait que c'était là depuis le début, mes amis. C'était là depuis le début. Il fallait juste lire les options. Ouais, mais j'avoue que mode électif, élective mode comme ça, ça dit pas grand-chose. Non, effectivement, mais quand on laisse son curseur dessus, ça le décrit. Ah ben là, vous avez plus d'excuses, les joueurs de Diablo, honte à vous. Mais je suis pas mal certain que le ratio gars-filles qui se plaignaient, les gars c'était pas mal plus haut, parce que malheureusement, nous les hommes, nous avons pas tendance à lire le menu d'options. Non, parce qu'il faut jouer, on n'a pas le temps de lire les options, quitte à avoir plus de difficultés à jouer. Merci Andrew. Autre nouvelle, on va vous parler de mise à pied. Malheureusement, chez BioWare Houston, donc non pas Houston, Houston au Texas, donc est-ce que finalement le succès de Old Republic, Star Wars Old Republic, est si important? Il y a déjà des mises à pied qui ont été annoncées justement à Houston au Texas. La branche du studio qui est derrière le fameux MMORPG, ben réduction significative des effectifs. Il y a une partie des employés qui vont être réaffectés à d'autres activités chez EA, mais pour le moment, il y a quand même une bonne partie qui vont perdre leur emploi. On est désolé d'entendre ça. Évidemment, on souhaite la bonne chance à tous les auditeurs de Houston au Texas de Puissance Maximale qui faisaient partie de cette équipe, bien évidemment. Mais encore une fois, là, d'autres preuves, là, on avait des pertes d'abonnés de ce jeu-là la semaine passée dans les nouvelles. Là, on a ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les MMORPG en général commencent à baisser? Parce que le monde voit bien que c'est toujours... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est souvent tout le temps la même chose. Donc, il y a peut-être un petit écœurement au niveau du MMORPG. On verra. Autre nouvelle, ben, des deux nouveaux jeux Pokémon pour cet automne. Et là, on vous parlait, il n'y a pas si longtemps, de suite pour la version noire et blanche. Donc, noir 2 et blanche 2. Mais non, c'est deux autres jeux qui vont être sur la 3DS pour l'automne. Le premier qui est déjà connu un peu, là, c'est le Pokémon Dream Radar. Ça, c'est le nom au Japon, qui va bénéficier va utiliser des fonctions gyroscopiques et de la réalité augmentée de la console pour que vous puissiez capturer des Pokémon pour ensuite les intégrer dans votre partie de Pokémon, justement, noire ou blanche. Et il y a un autre jeu aussi qui est comme, on en avait parlé un peu il y a longtemps, un Pokédex 3D qui va utiliser finalement votre 3DS, que vous allez pouvoir utiliser, voir des Pokémon dans votre habitat à vous.

Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour d'autres nouvelles ludiques qu'on parlait du E3 tantôt. Et on continue avec des rumeurs pour Castlevania. Et oui, et ça devrait être annoncé au E3. Il y a déjà eu une annonce par rapport à un jeu qui s'en vient sur la 3DS. Et oui, qui s'appellerait Castlevania Mirror of Fate. Il s'agirait d'un volet 2D qui mettra en scène deux personnages. Donc, on utiliserait bien évidemment les fonctionnalités de la console et de la caméra qui pourrait être utilisée pour des résolutions d'énigmes. Ça, c'est pour le jeu qui serait sur la 3DS. Et évidemment, l'autre qui s'en viendrait, ce serait Lords of Shadow 2, qui sortirait pas que sur la PS3 et la 360, mais aussi sur la Wii U et la Nintendo 3DS. Donc, la 3DS aurait deux titres Castlevania. Et la PS Vita, elle? Voilà, t'as ta réponse. Et donc, on utiliserait même une connectivité entre deux consoles. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour les amateurs de Castlevania, c'est toujours une bonne nouvelle de voir qu'il y a des nouveaux jeux de cette franchise-là qui s'en vient, parce que c'est une bonne franchise. Mais voilà, pour les amateurs, ça s'en vient. Ça va peut-être être en zone OE3. Ça reste des rumeurs, mais on a bien hâte de voir ça. Autre nouvelle, peut-être un crossover entre PD The Heist et Left 4 Dead. Mais c'est créé par la même équipe, donc jeu de tir à la première personne. Un Left 4 Dead qui est contre des zombies, des hordes et des hordes de zombies et de créatures spéciales qui nous attaquent. Et PD The Heist, en fait, on joue des cambrioleurs de banque qui doivent voler la banque et s'en sortir indemne. Donc, le studio Overkill, qui s'occuperait de faire ça, qui est à l'origine de ces jeux-là, c'est sorti sur leur site officiel, et on précise pas à quoi ça va ressembler, mais écoutez, je sais pas si ça va être vraiment un jeu complet, vraiment un crossover tout seul, ou ça va être un DLC qu'on va downloader pour les deux jeux. Moi, j'aurais deux hypothèses. Mais vas-y donc, Andrew. La première hypothèse, c'est que t'es dans les Left 4 Dead, on joue toujours des groupes de survivants. Ouais. Dans PD The Heist, les quatre personnages qu'on joue, c'est des personnages qui ont chacun leur histoire, chacun leur personnalité. Même principe que dans Left 4 Dead. Fait que peut-être que ça va être un chapitre de Left 4 Dead où on joue les personnages de PD, mais au moment du breakout des zombies. Ça serait ma première hypothèse. Ah, peut-être, ça serait bon. La deuxième hypothèse, qu'on joue des cambrioleurs qui volent des banques gérées par des zombies. Mais celle-là, c'est moins plausible. Ah ben, c'est ma préférée des deux, ça. Mais bref, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est deux jeux intéressants, vraiment bons. C'est pas compliqué comme jeu, mais c'est dans les shooters, là, c'est dans mes préférés. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant à jouer, là. Adrénaline, gore, zombies. Du criage dans les micros, là. Ah, lâche-moi! Puis des filles qui peuvent tuer d'un coup en braillant. Oui, on fait référence au Witch. Mais oui, effectivement, c'est des bons jeux. Donc, j'ai hâte de voir le produit final. Donc, un possible crossover ou DLC entre PD, The Heist et Left 4 Dead. Et dernière nouvelle ludique de cette émission, de cette excellente émission, dois-je le rappeler. Un set collectionneur pour le 25e anniversaire de Street Fighter. Et oui, Capcom a annoncé ça pour les mordus de la série. Moi, c'est un de mes jeux de combat préférés, même si la version récente m'a fait beaucoup, beaucoup sacré devant ma TV. C'est quand même des bons jeux. J'adore les jeux 2D combat, j'adore ça. Puis Street Fighter, c'est un des très bons. Et écoutez, pour les fans, il y a quelque chose de très bon qui s'en vient. Écoutez, je vais vous décrire ça rapidement, ce qui s'en vient dans ce paquet collecteur. Donc, vous aurez droit à Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, le Street Fighter 3 Third Strike Online Edition, Super Street Fighter 4 Arcade Edition with All Costume DLC, donc tous les costumes, Street Fighter Cross Tekken qui va comprendre tous les personnages et les costumes également. Vous allez avoir deux disques Blu-ray avec des vidéos, des documentaires sur l'histoire de la série. Il va y avoir aussi des making-of, les animés. Des films animés japonais qui ont été faits, ils vont être inclus sur ces Blu-ray-là. Il va y avoir aussi des épisodes de la série animée. Il y a un temps, il avait fait Street Fighter V qui était distribué par Manga, si je me rappelle bien, à l'époque. Et il va y avoir des épisodes. Il va y avoir aussi Street Fighter 2, The Animated Movie, qui était un excellent film à l'époque, sorti dans les années 90. Il va y avoir une statue de Ryu de 8 pouces, 11 disques de soundtrack, 64 pages de art un art book de 64 pages. Cover rigide. Une réplique de la ceinture de Ryu et finalement un certificat d'authenticité. Et tout ça pour la modique somme de $149 US. Moi, personnellement, je suis pas un gros fan des versions collector des jeux, mais ça, là, ça m'intéresse. Vraiment. J'ai bien hâte de voir ça et du contenu vraiment intéressant pour ce lancement-là. Ça a été seulement annoncé aux États-Unis pour le moment, mais au Canada, c'est pas trop compliqué de se procurer ça via les internets. Et c'était la fin des nouvelles ludiques et on va vous quitter avec une dernière chanson avant de finir l'émission. Une chanson qui s'appelle I Will Be Heard du groupe Hatebreed, un groupe de hardcore metal, pour finir ça en beauté à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face. Wipe these tears from my eyes. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face. Wipe these tears from my eyes. I've got to take my life back. One chance to make it right. I've got to have my voice be heard. Every meeting to this life. Cause I trusted for nothing. I've been led astray. I've been tried and tested. But I won't accept defeat. Now I've done things I regret. And it's time to reverse the role. Now I just wanna make good on all the promises I have made. These tears from my eyes. Wipe your spit from my face. Wipe these tears from my eyes. Now is the time for me to rise to my feet. Wipe your spit from my face. Wipe these tears from my eyes. I've got to take my life back. One chance to make it right. I'm gonna have my voice be heard and bring meaning to this life. Cause I've trusted for nothing. I've been led astray. I've been tried and tested. But I won't accept defeat. I've done things I regret. And it's time to reverse the role. Now I just wanna make good on all the promises I have made. I will be. I will be. I will be heard. I will be. I will be heard. Now is the time for me to rise to my feet. I will be heard. Wipe your spit from my face. Wipe these tears from my eyes. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, c'est la fin de Puissance Maximale. Une grosse émission, encore une fois, cette semaine. Je voudrais remercier Mme Chantal Campagnan de Distribution Dude, qui était là pour nous parler jeux de plateau, jeux de société et jeux de cartes, bien évidemment. Monsieur Diego Lamana, qui est venu nous parler de jeux de joueurs professionnels et de finalement de professional gaming au niveau de jeux vidéo. Monsieur Andrew Castegan à la console et aux chroniques, comme à l'habitude. Toujours un plaisir. Merci Andrew et mon nom est Michael Michaud, votre animateur. Toujours un plaisir de vous voir, en fait, d'être là pour vous, chers fans de Puissance Maximale et de jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com pour aller voir nos anciennes émissions. Le Facebook, bien évidemment, Puissance Maximale, vous tapez ça dans la barre de recherche, vous allez nous retrouver facilement. Cliquez sur « J'aime » parce que nous, on vous aime. allez sur le site de CKIA FM 88.3, donc le CKIAFM.org, pour aller chercher votre carte de membre pour continuer à encourager la station pour un micro libre, la musique différente et bien entendu, puissance maximale. On vous remercie beaucoup. Et ce qui suit, c'est l'émission La Voix du Libre pour vos logiciels libres et parler informatique. Une belle continuité à puissance maximale. Et avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma.